Tant que ça va bien, ça va bien. Si ça va bien pendant 80 années, tant mieux. Mais ça ne va pas bien aujourd'hui dans les couples. Et les couples qui se découvrent en tant qu'individus ont tellement à apprendre de la réalité que si leur intelligence n'est pas fixe, si leur volonté n'est pas grande, ils peuvent facilement mettre ce couple par terre. Et l'homme n'est pas arrivé au stade où il puisse vivre en dehors du couple. L'homme a besoin de l'autre. La femme a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la femme. Et lorsque je dis que je ne peux pas être complice à la faiblesse de l'homme, je suis extrêmement sérieux. Que les hommes et les femmes vivent des transformations puissantes, c'est normal. Que les hommes et les femmes puissent être suffisamment forts intérieurement pour les vivre, ces transformations, ça doit être ainsi. Mais le taureau doit posséder en lui le cœur du lion. Et non pas rompre, briser, fragmenter la porcelaine de son alliance. C'est de la stupidité. À moins que le taureau sache ce qu'il fait, à moins que le taureau ait la volonté de ce qu'il fait. Mais à ce moment-là, s'il a le cœur du lion, l'autre comprendra aussi. Parce que je sais très bien que dans un couple où l'énergie a été atténué, où le chemin de la route se termine. Les deux individus doivent le savoir, doivent le comprendre. Et si les deux individus le voient, le comprennent, parce qu'ils se le parlent, ils se l'expliquent, avec intelligence et volonté, ils pourront faire le partage. Parce qu'ils sauront tous les deux leurs avantages. Mais si l'un ne peut pas faire comprendre à l'autre, c'est qu'il y a encore un bout de chemin qui doit être fait ensemble. Quitte à voir plus tard, si, lorsque l'autre comprendra, partage, il doit y être. Lorsque deux êtres se séparent, ils doivent se voir et le comprendre et être tous les deux en harmonie de séparation. Et si deux êtres sont en harmonie de séparation, à ce moment-là, il n'y a plus de séparation. Il y a simplement division des tâches. Changement de vie. Et les deux ne peuvent plus être ennemis, mais ils continuent amis. Et un homme qui ne peut pas parler à sa femme après séparation ne l'a jamais aimé. Il lui a dit son amour, mais il ne l'a jamais aimé, parce que pour aimer, il faut être intelligent et avoir de la volonté. Il m'est difficile de comprendre qu'un homme et une femme ensemble ne puissent pas dépasser leur personnalité après avoir entendu ce que j'ai dit depuis quelques années. Je ne suis pas venu pour diviser les hommes. Je suis venu pour leur donner l'intelligence, pour leur faire comprendre l'intelligence, pour leur faire réaliser que l'intelligence mène à la volonté et que ces deux principes en eux font partie d'eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas vivre sans ces deux principes. Il y a où il y a division à cause de mes paroles, je ne peux pas continuer à œuvrer parmi vous. Et je le dis aujourd'hui parce que je sais ce qui se passera chez vous demain. Je sais les tremblements que vivront les personnalités demain. Et je sais que demain, les couples doivent grandir individuellement, mais parfaitement. Et pour que ceci soit possible, il faut que chaque individu soit très fixé dans son intelligence et sa volonté. Au-delà des sentiments puérils de l'homme, qui ne vit que de l'émotion. Lorsque l'homme sera dans la volonté et l'intelligence et qu'il sera lié à une autre personne, le couple verra combien grand est le couple, parce que le couple est grand, très grand. Pour faire un cadre au phénomène de la volonté et de l'intelligence, je voudrais faire un cadre. Vous expliquer un peu comment ça fonctionne, l'évolution. Et avec ce cadre-là, ça va vous permettre de comprendre pourquoi c'est si difficile d'avoir de la volonté et de l'intelligence. Le mot évolution, tel qu'on emploie sur le plan humain, veut dire, dans son sens le plus pur, la transgression des anciennes lois. Pour évoluer, il faut transgresser les anciennes lois. Pour évoluer, il faut transgresser les lois qui ont été responsables, qui ont servi à la descente de l'âme dans la matière. L'âme doit être libérée de la matière, mais on ne sait pas encore, les hommes, ce que ça veut dire, ça. Parce qu'on a une conception spirituelle de l'âme. L'âme, dans le fond, c'est un petit nuage, c'est un nuage d'atomes, ni plus ni moins. C'est un nuage atomique, mais qui contient deux choses. Le nuage atomique contient la lumière et le nuage atomique contient la mémoire de l'ego. Et plus la mémoire de l'ego se développe au cours des expériences, plus la lumière s'atténue. De sorte que l'on dit faussement que plus l'âme s'incarne, plus elle évolue. Ce n'est pas juste. Premièrement, ce n'est pas l'âme qui s'incarne, c'est l'ego. Et plus l'ego s'incarne, plus l'âme perd le pouvoir de sa liberté. Mais par contre, plus l'ego s'incarne, plus l'âme prend de l'expérience. Alors, elle perd d'un côté le pouvoir de sa liberté, ce qui permet à l'ego de s'incarner, parce qu'elle le soutient, elle l'énergise dans ses principes. Et d'un autre côté, l'expérience de l'ego sert. Parce que l'expérience de l'ego lui permet éventuellement d'atteindre des sommets d'évolution . Il faut être patient avec moi parce que ces données-là sont difficiles à passer dans mon mental. Alors, je disais que l'âme par l'expérience de l'ego perd de sa clarté. Parce qu'il se forme autour d'elle un petit nuage, un cercle d'énergie. Et le cercle d'énergie n'a pas la même qualité que le nuage original. Une âme, ça ne devrait jamais se voir avec les yeux de l'astral. Avec les yeux physiques. Une âme, ça devrait seulement se voir avec les yeux de l'âme. Et ce qui se voit dans l'expérience de plusieurs personnes, ce qui se photographie dans certains cas, c'est le nuage, le cercle d'énergie autour de l'âme. Ce qui indique la présence de l'âme qui sort du corps matériel d'une personne, par exemple, qui meurt. Mais quand je dis que l'âme ne devrait pas se voir avec les yeux du corps astral, mais devrait se voir avec les yeux de l'âme, ce que je veux dire, c'est que l'âme a été tellement dégradée dans sa lumière que la poussière de l'expérience de l'ego sert à la vision de l'ego. Et ce nuage autour de l'âme, c'est la mémoire de l'ego. De sorte qu'un homme qui voit quelqu'un mourir et qui voit l'âme qui sort du corps, ce qu'il voit, c'est la mémoire de l'ego en termes d'énergie. Ce n'est pas l'âme. L'âme, ça ne se voit pas avec les yeux matériels pour deux raisons. Parce que l'âme est totalement privée dans sa constitution atomique de matériel inférieur. Plan d'où elle est originaire. Tout ce qui est en dessous de son plan est visible par le biais des facultés normales de l'homme. Ce qui est de son plan n'est pas visible. De sorte qu'un homme qui voit l'âme ne voit pas l'âme. Il voit la contamination de l'âme, autrement dit, il voit la mémoire de l'ego. L'homme de demain, l'homme de la sixième race, verra l'âme. Il la verra d'une façon parfaite parce qu'il n'aura plus de mémoire. La mémoire en lui aura été tuée. Et c'est seulement lorsque la mémoire dans l'homme est tuée qu'il a le pouvoir de voir par les yeux de l'âme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, voir par les yeux de l'âme? Voir par les yeux de l'âme, ça veut dire être capable de soutenir la vision de la réalité, de la lumière, dans l'âme, pas de l'âme. La lumière de l'âme n'est pas réelle. La lumière de l'âme est une contamination provenant de l'expérience de l'homme. Et c'est pourquoi les connaissances occultes, à un certain moment donné de l'évolution, sont totalement réductibles. Parce que l'âme qui n'a aucune contamination est totalement libre d'exprimer la perfection de ce qui est derrière la lumière. Mais l'âme qui est contaminée par l'expérience n'est pas libre d'exprimer parfaitement ce qui est derrière la lumière parce qu'elle doit se servir de la lumière pour cacher ce qui est derrière la lumière. De sorte que l'homme de demain étant dans la conscience parfaite, étant dans l'unité de l'âme, son ego ne pourra plus interpréter ce qu'il voit. Autrement dit, l'ego, qui est mémoire, plus ou moins grande, ne pourra plus se servir de la mémoire pour interpréter ce qu'il voit. Et à ce moment-là, l'ego n'interprétera plus ce qu'il voit. Et lorsque l'ego cessera d'interpréter ce qu'il voit, il sera dans ce qu'il est. Il sera dans ce qu'il est. Et lorsque l'ego est dans ce qu'il est, l'ego n'est plus dans ce qu'il voit. Parce que l'ego n'est plus dans la mémoire de l'âme. L'ego n'est plus dans la mémoire de l'âme. L'ego n'est plus. Puis tant que l'ego est, il est dans la mémoire de l'âme. Et tant que l'ego est, la personnalité qui va avec est assujettie à lui et non à son esprit. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'union entre la personnalité, l'ego et l'âme. Un ego ne peut pas être dans la réalité de l'âme et vivre la dualité. C'est pour ça qu'un ego qui est, un ego qui est parce que l'âme est en dehors de la forme, parce que l'âme n'a plus de nuages autour d'elle, un tel ego est parfait. Et quand je dis qu'un tel ego est parfait, je veux dire ceci. Je veux dire qu'il est impossible à l'ego de faire une erreur parce qu'il n'a plus de mémoire. Et à ce moment-là, l'ego commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire comprendre. Il y a deux sortes de compréhension. Il y a la compréhension fondée sur la mémoire et il y a la compréhension fondée sur la destruction de la mémoire. La compréhension qui est fondée sur la mémoire nécessite une compréhension. La compréhension qui est fondée sur l'absence de la mémoire ne nécessite pas de compréhension parce qu'elle est la condition même de la compréhension. C'est pour ça que je décourage dans mes rencontres personnelles avec les gens d'essayer de comprendre ou d'essayer d'interpréter ce qu'ils sentent. Parce que je sais que viendra un jour où l'homme n'aura plus besoin d'interpréter ce qu'il sentira ou de comprendre ce qu'il sentira parce qu'il n'aura plus de mémoire. Et lorsqu'il n'aura plus de mémoire, automatiquement, il sera de plus en plus dans la volonté, dans l'intelligence et dans l'amour. Mais dans l'évolution, au cours de l'évolution, c'était nécessaire qu'il se forme sur la Terre, dans l'expérience de l'homme, une mémoire. Parce que cette mémoire servait, et devait servir, à construire avec le temps des corps de plus en plus parfaits. Parce que c'est avec la mémoire que se construisent les corps de l'homme, le corps mental de l'homme, le corps émotionnel de l'homme, le corps physique de l'homme. Tout se construit de par mémoire. Mais les corps de l'homme qui étaient construits, et il est là le cercle vicieux, les corps de l'homme qui étaient construits de par la mémoire étaient déjà construits par l'erreur. De sorte que les corps de l'homme ne sont pas parfaits. Si les corps de l'homme avaient été construits en dehors de la mémoire, les corps de l'homme seraient totalement lumineux. Les corps de l'homme n'auraient pas de densité. Mais d'un autre côté, l'homme ne serait pas. Et quand je dis que l'homme ne serait pas, je dis que la mémoire, même si elle est négative d'une façon absolue, elle est essentielle d'une façon relative tant qu'à la constitution, à la construction de l'ego. Pour que l'ego en arrive au cours de l'évolution à se désengager des forces de la mémoire de l'évolution, pour entrer dans l'évolution où il se raccorde parfaitement à l'âme. Mais l'âme, elle, contrairement à ce que l'on pense, n'a pas besoin de l'ego. Mais l'ego a besoin de l'âme, si homme il doit y être. Et comme homme il doit y avoir sur la planète, ce qui est la base de l'évolution, ce qui est la base des civilisations, ce qui est la base du développement de la science, et ainsi de suite, c'était essentiel qu'il se forme l'ego. Alors, ce qui était négatif, dans, absolument parlant, dans le cadre de la nécessité, éventuellement devient positif dans le cadre de l'évolution, mais à un prix. Et le prix, c'est que l'ego doit perdre la mémoire. Et pour que l'ego perde la mémoire, il faut que les vibrations, l'énergie de l'âme en lui, qui est entourée de ce nuage qui constitue sa mémoire, il faut que cette énergie détruise cette mémoire. L'âme doit détruire le nuage autour de son centre. Et comment l'âme détruit le nuage autour de son centre? En créant des obstacles dans le vide de l'ego, qui soulève en lui la vibration de l'émotionnel ou la vibration du mental, qui normalement aurait nourri ce nuage, mais qui maintenant, à cause de la conscience, le détruit. C'est pour ça que je dis souvent que l'homme doit souffrir. Non pas parce que c'est nécessaire que l'homme souffre, mais parce que c'est essentiel que l'homme souffre. C'est pas nécessaire que l'homme souffre. C'est essentiel de par le fait que l'âme a été contaminée. Et c'est essentiel de par le fait que l'ego se serve de la contamination, qui est sa mémoire, pour constamment continuer le dilemme de la dualité. Alors, lorsque l'ego et l'âme commencent à s'unir, la pénétration des énergies de l'âme dans l'ego crée un choc sur le plan de l'émotionnel ou sur le plan de l'idée en relation avec l'expérience de l'ego. Et c'est ce choc vibratoire qui détruit la mémoire de l'ego. Et une fois que l'ego n'a plus de mémoire, qu'il ne peut plus penser subjectivement, il se crée en lui une combustion. Il se crée en lui un feu, mais un feu qui est actif sur tous les plans de sa réalité. De sorte que l'ego, à ce moment-là, devient sept fois lui-même. Et lorsque l'ego devient sept fois lui-même, il engendre sept fois ce qu'il est, et il commence à ce moment-là à créé en lui la même vibration qui coïncide avec la vibration de la planète Terre. Alors, s'il y a sur la planète Terre 49 vibrations clés, majeures, l'ego, en créant 7 fois lui-même, éventuellement possède un taux de vibration égal à celui de la planète. De sorte que tous les éléments dans la planète qui constituent la fondation du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme sont soumis à son pouvoir. De sorte que l'ego, à ce moment-là, peut transmuter le taux vibratoire des éléments et créer sur la planète une nouvelle civilisation qui n'est pas dominée par les forces mécaniques et planétaires. Mais pour l'ego de créer 7 fois ce qu'il est lui-même, il lui est nécessaire d'avoir de la volonté et de l'intelligence. Parce que la volonté, c'est la fraction infinie de toute vibration infinie, essentielle à un être en évolution. Alors, un être en évolution a besoin d'une fraction d'une vibration infinie pour être automatiquement dans l'infini. Au niveau de l'intelligence, c'est la même chose. Et un être qui a ces deux fractions d'infinité en lui est automatiquement en évolution vers l'infinité au cours de laquelle s'unifie de plus en plus le pouvoir de la lumière de l'âme avec le pouvoir de la vibration de la volonté dans l'individu, ce qui constitue les bases et les fondements de la nouvelle civilisation ou de la nouvelle science. Les extraterrestres fonctionnent de cette façon. Les extraterrestres, suivant leur évolution, ont atteint le stage où ils sont 7 fois eux-mêmes. Et étant 7 fois eux-mêmes, lorsqu'ils viennent sur la planète Terre et qu'ils entrent en contact avec l'homme, qui est seulement une fois lui-même, le pouvoir vibratoire de ces êtres-là est tellement supérieur à celui de l'homme que l'homme n'a sur eux aucun point de rencontre. Il ne peut pas les rencontrer. Il ne peut pas. Ça se discute pas. L'homme ne peut pas être en harmonie vibratoire avec leur intelligence et avec leur volonté. Et de là, naturellement, l'homme est automatiquement influençable. De là, d'ailleurs, le grand danger de l'humanité. Je fais ce petit sketch de l'évolution pour faire comprendre une chose. Que la volonté est une vibration qui part de l'âme, qui descend dans l'ego, qui crée dans l'ego un choc en relation avec les événements et qui est essentielle dans ce sens que l'ego doit en arriver à pouvoir la contrôler. La vibration. La volonté, c'est comme une pièce d'acier. Et l'ego doit être capable de la plier, cette pièce d'acier. Autrement dit, de faire descendre le point de la volonté du plan où elle est au plan où il est. Quand l'ego fait descendre le point de la volonté du plan où elle est d'originaire au plan où il est, à ce moment-là, on peut dire que l'ego fait ce qu'il veut. Et il en est de même pour l'intelligence. Mais l'un va avec l'autre. On a une conception de l'âme qui est spirituelle. Et on a une conception de l'homme qui est spirituel. Et c'est très dangereux d'avoir des conceptions spirituelles parce que les conceptions spirituelles font partie de l'ignorance de l'humanité. Même si elles ont une valeur spirituelle, elles sont dangereuses parce qu'elles sont anti-hommes. Mais si vous avez un poisson qui est dans l'eau depuis des siècles et vous lui demandez de sauter sur la plage, ça le fait friquer. Et pourtant, c'est seulement sur la plage qu'il peut pousser des pattes pour devenir amphibien. Et effectivement, la nature agit ainsi. La nature a fait passer des poissons de l'eau à la plage et ils sont devenus amphibies. C'est la même chose pour l'homme. Je ne serai jamais suffisamment précis pour vous faire comprendre la suffisance de la volonté. Parce que c'est seulement dans votre expérience que vous comprendrez et que vous connaîtrez et que vous réaliserez la suffisance de la volonté. La volonté est suffisance. Et suffisance veut dire qu'un homme qui a de la volonté, qui est dans la volonté, n'a plus à se fier à lui-même. Il y a une nuance. Il n'a plus à se fier à lui-même dans ce sens qu'il n'a plus à se fier à sa mémoire. Et lorsque l'homme n'a plus à se fier à sa mémoire, il n'a plus à se fier à rien, parce que ce qu'il fait est parfait. Et quand il est arrivé à un point où ce qu'il fait est parfait, à ce moment-là, ce qu'il fait continue dans le temps, ne peut plus reculer, ne peut plus aller de côté, et ça, c'est sa destinée. Mais pour que l'homme vive sa destinée, pour qu'il vive en dehors de sa mémoire, en dehors de son ego, il faut qu'il ait suffisamment de force au niveau de son âme. C'est-à-dire qu'il faut que l'âme soit suffisamment évoluée pour qu'elle puisse prendre le contrôle de son ego. Si l'âme ne réussit pas à prendre le contrôle de l'ego, l'âme ne pourra jamais entrer dans sa destinée parce que l'âme ne pourra jamais lui révéler son intérêt vital. Et l'intérêt vital, comme j'ai déjà dit, de l'homme, n'est pas l'intérêt de vie de l'ego. Les hommes, aujourd'hui, ont un intérêt de vie. Un homme veut être ingénieur, un homme veut être médecin, un homme veut être plombier. Ça, c'est l'intérêt de vie. Mais l'intérêt vital, ce n'est pas ça. L'intérêt vital, c'est la révélation de l'âme à l'ego lorsque ce dernier a l'intelligence d'elle et la volonté d'elle. Autrement dit, lorsque la volonté et l'intelligence subjective ont été remplacées par la volonté et l'intelligence de l'âme, qui est une intelligence et une volonté universelle. Le grand danger dans l'assimilation des idées dans le monde, c'est que les idées dans le monde coïncident avec la mémoire de l'humanité. Et lorsque l'on comprend les lois de la mémoire, on s'aperçoit que toutes les idées dans le monde, même si elles sont grandioses, sont retardataires. Exemple. L'homme, aujourd'hui, possède des automobiles, des roues, des moteurs. C'est extrêmement difficile à l'homme de se séparer de l'automobile, parce que l'automobile de l'homme fait partie d'une condition psychologique de mouvement qui est directement liée à la mémoire, qui est directement liée aux inventions, qui est directement liée à la façon de voir, qui est directement liée à une dimension de l'homme qui est en dehors du pouvoir de l'âme sur l'ego. De sorte que l'homme est obligé dans sa science de mécaniser. Et en mécanisant dans sa science, il s'empêche de pouvoir détruire les lois de la tombe. Les lois de la tombe qui ont été fixées dans les éons par les intelligences universelles pour maintenir dans un cosmos quelconque une forme d'agrégation suffisamment stable pour permettre l'établissement et l'évolution des systèmes solaires et des galaxies. Mais à un certain moment de l'évolution, lorsque l'homme entre derrière la lumière, lorsque l'homme voit, l'homme doit être totalement libre de la galaxie, de la planète, du système solaire. Et c'est justement où se situe l'éther. L'éther, quand je parle de l'éther, je parle d'un espace dans le cosmos qui est totalement libre, qui est totalement indépendant de la galaxie. Et effectivement, lorsque l'homme est indépendant d'une galaxie, il est indépendant de la matière de la galaxie à quelque niveau d'évolution qu'elle soit rendue. De sorte qu'un homme qui est indépendant d'une galaxie, qui est indépendant d'une planète, peut construire dans un monde qui est totalement autre, une vie qui est totalement autre, et entre lesquelles il n'y a aucun pont. Et quand je dis que entre le monde de l'éther et le monde de la galaxie, le monde matériel, il n'y a aucun pont, je dis deux choses. Je dis qu'il n'y a aucune possibilité à ceux qui sont dans la matière de le voir, et je dis qu'il n'y a aucune possibilité à ceux qui sont dans la matière d'y avoir accès. Tant qu'ils ne sont pas dans la vibration de l'âme. C'est pour ça qu'on dit dans la vie qu'il y a deux choses. Il y a le mystère de l'homme et le secret du mystère de l'homme. L'homme peut connaître le mystère de l'homme, mais l'homme ne peut pas connaître le secret du mystère de l'homme, parce que le secret du mystère de l'homme, c'est le secret de l'âme, c'est la connaissance de l'âme, c'est ce qui est derrière la lumière. Alors imaginez-vous, et c'est là l'erreur de ceux qui entrent dans les formes occultes de la vie, surtout les orientaux, ils s'avancent lentement vers le mystère de l'homme, ils entrent et voient la lumière, mais la lumière n'est pas réelle. De sorte que de leur perception de la lumière, ils créent et ils échafaudent des structures philosophiques ou spirituelles, et ces structures philosophiques et spirituelles empêchent l'homme de pénétrer plus loin dans le cosmos, c'est-à-dire d'entrer, de passer derrière le voile de la lumière. Et la mémoire de l'ego est tellement puissante, la mémoire de l'homme est tellement grande, et elle est tellement mélangée à les mémoires de l'humanité, que l'homme, qui n'a pas encore compris que tout ce en quoi il baigne est une contamination de la mémoire, n'a rien compris. Parce que pour comprendre, il faut sortir de la mémoire de l'humanité ou la mémoire de l'homme. Et c'est à ce moment-là que vient en aide à l'homme deux outils extrêmement puissants, à double tranchant. L'intelligence et la volonté. L'intelligence servant à l'homme à maximaliser les possibilités de vie et la volonté servant à l'homme à maximaliser le pouvoir de vie. De sorte que l'un engendre l'autre et amène petit à petit l'homme, à cause du changement vibratoire, à cet état d'esprit qui le dispose en temps et lieu à voir derrière le voile de la lumière. Depuis des siècles de temps, depuis des millénaires, on a parlé de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière. La lumière est le voile. La lumière est un voile permanent. Et la lumière ne se fracture, ne se dissout que lorsque l'ego et l'âme sont un. Et un ego qui entre dans la lumière sans cette unité devient fou parce que il ne peut plus se servir de sa mémoire pour comprendre ce qui se passe. Si on ne peut pas se servir de notre mémoire pour comprendre ce qui se passe, on doit totalement la mettre de côté pour ne rien comprendre de ce qui se passe. Et en ne comprenant rien de ce qui se passe, on est prêt à vivre ce que l'on est. Et lorsqu'on est prêt à vivre ce que l'on est, on n'a plus besoin de mémoire, parce qu'on n'est plus mémoire. Et là, ici, je fais une nuance. Quand je dis qu'on n'est plus mémoire, je dis que l'âme pue, au lieu de se servir et d'être obligée de se servir de la mémoire expérientielle de l'ego, l'âme pure se sert de tout ce qui est connu pour faire ce qu'elle veut faire à travers l'ego. Alors, tout ce qui est connu pour faire ce qu'elle veut faire à travers l'ego veut dire deux choses. Écoutez bien. Tout ce qui est connu fait partie de l'expérience créative des ajusteurs de pensée. Tout ce qui est connu fait partie de l'expérience créative des ajusteurs de pensée et non de l'expérience de soumission des égos en évolution. Autrement dit, dans le cosmos, il y a deux mémoires. Il y a la mémoire des égos qui évolue, qui devient le nuage autour de l'âme, qui empêche l'âme de reconstituer l'unité avec l'ego. Et il y a la mémoire éternelle qui ne change pas, qui est en dehors du temps, qui fait partie des activités créatives de ceux qui sont en dehors de l'évolution galactique, en dehors du temps et de l'espace. Et c'est cette mémoire-là que l'homme a de besoin pour construire demain. Parce que si demain l'homme construit avec la mémoire ancienne, il va faire des erreurs, elle est fausse. L'homme automatiquement perd son droit d'aîné, la civilisation meurt pour qu'il y en ait une autre. C'est ce qui se produit. Et ce qui a amené la destruction des civilisations par le passé, c'est justement le fait que l'homme se servait de sa fausse mémoire. Mais il y a les civilisations dans le cosmos, et d'ailleurs l'homme le deviendra un jour, lorsque l'homme aura son droit d'aîné, où l'homme se servira simplement de la mémoire éternelle, qui est parfaite, parce qu'elle est en dehors du temps. Et de cette mémoire, l'homme créera, et l'homme sera en fusion avec l'ajusteur de pensée, et c'est là qu'on dit que l'homme créera et évoluera dans des mondes, des univers inhabités, des univers qui sont produits, préparés par eux aujourd'hui, et que l'homme dont l'homme se servira éventuellement pour construire des civilisations extrêmement avancées. Parfait. Alors, je vous donne un petit schéma pour ne pas aller trop loin pour rien. Dans le phénomène de l'évolution, dans le phénomène de la mémoire, dans l'importance de comprendre le phénomène de la mémoire et de réaliser aussi que nos émotions et nos pensées subjectives sont liées à notre mémoire. Et c'est pour ça que la conscientisation de l'homme, je vais redéfinir aujourd'hui la conscientisation de l'homme. Ce que je veux dire par la conscientisation de l'homme, je veux dire le retour de l'homme à l'âme. Le retour de l'ego à l'âme. C'est ça la conscientisation de l'âme. Et le retour de l'ego à l'âme est une expérience plus ou moins pénible selon que l'ego est plus ou moins grand. Et l'ego est plus ou moins grand selon que la mémoire est plus ou moins évoluée. C'est pour ça que vient le jour où une des mesures de l'ego, une des mesures de la grandeur de l'ego, c'est ce que j'appelle d'une façon populaire sa tête de cochon. Parce qu'un ego qui a de la tête de cochon, c'est un ego qui a déjà un petit peu en lui de l'âme. Mais comme il n'est pas ajusté à la vibration, il a effectivement une tête de cochon. S'il était ajusté à la vibration, il n'aurait pas de tête de cochon. Il aurait de la volonté.